Cathy Glass, mère d'accueil expérimentée, se voit confier en urgence deux enfants, Molly, 3 ans et demi, et son petit frère Kit, 18 mois, qui viennent d'être soustraits par un juge à la garde de leurs parents. Kit a le bras cassé et de nombreuses ecchymoses, Molly est sujette à des crises de vomissement. Et comme tous deux sont familiers des séjours à l'hôpital, les services sociaux craignent qu'ils ne soient victimes de maltraitance. Pour Cathy, le cas n'est pas banal. Les parents clament leur innocence, mais les enfants eux-mêmes veulent rentrer chez eux. Quel terrible secret cache cette famille, en apparence sans histoire. Cathy mettra tout en œuvre pour gagner la confiance de Kit et de Molly, premier pas indispensable pour comprendre ce qui s'est passé avant qu'ils puissent retrouver le sourire et la joie de vivre. Cathy Glass a 3 enfants, dont la Benjamine a été adoptée. Mère d'accueil depuis 30 ans, elle a publié chez Archipoche 10 témoignages retraçant le parcours d'enfants placés chez elle, dont Violenté et la petite princesse de papa. « Maman nous aimait trop » de Cathy Glass est paru chez Archipoche.